Récit que le curé Bayer communiqua à Don Calmet. En 1728, Bayer, un des curés du diocèse de Constance, Allemagne, venait de m'écrire qu'il avait été pourvu de la cure du Rotheim. Et déjà un mois plus tard, il fut inquiété par un spectre, à l'aspect d'un paysan de mauvaise mine, et d'une senteur épouvantable. Il vint frapper à sa porte, et étant entré à son poêle, il dit qu'il était envoyé pour certaines commissions, de la part d'un officier du prince de Constance, son évêque. Il demanda ensuite à manger. Quand on lui servit le pain, le vin, et la viande, il prit la viande à deux mains et la dévora avec les os en disant « Vois comme je mange la chair avec les os. » Faisant de même. Il prit le pot de vin qu'il but d'un trait, en demanda d'autres qu'il but de même, et se retira ensuite, sans dire adieu au curé. Alors la servante, qui le conduisit à la porte, demanda son nom. « Mon nom est Georges Rollin. Je suis né à Rutzinge. » En descendant l'escalier, il dit au curé sur un ton menaçant, en allemand, « Je te montrerai qui je suis. » Il passa tout le reste du jour dans le village, en se montrant à tous. Il revint à la porte du curé vers minuit, criant trois fois d'une voix terrible. « Mynheer Bayer, Mynheer Bayer, Monsieur Bayer. Je te montrerai qui je suis. » Pendant 3 ans, il revint chaque jour vers 4 heures de l'après-midi, et chaque nuit avant le lever du jour, sous différents aspects. Quelquefois, il faisait du fracas dans toute la maison, comme un tonnelier qui relie les tonneaux. Quelquefois on aurait dit qu'il voulait renverser tous les logis, par le grand bruit qu'il causait. Pour faire témoigner de tout ceci, le curé fit venir le sacristain, et d'autres du village, pour rendre témoignage. Partout où il était, le spectre répandait une odeur épouvantable. Le curé eut recours aux exorcismes, mais sans effet. On désespéra presque d'être délivré de ses vexations. Sur la fin de la 3e année, il lui fut conseillé de se munir d'une branche, bénie au jour des palmes, le dimanche avant Pâques, en mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. De l'eau bénite, et d'une épée, aussi bénite à cet effet. Il l'aspergea une fois, puis une deuxième, et depuis ce temps-là il ne fut plus maltraité. Ceci a été attesté sur la parole d'un religieux capucin qui fut témoin de la plupart de ces choses le 29 août 1749.